Hey, je suis le gars du trash qui vient t'emmener en première classe, right? Et vas-y, assuré, farine, t'es garanti. Fais un break, ouais, arrête de courir et ralentis. C'est ça, mon deux son, laisse-toi rider, laisse-toi aller. Par la vibe qui t'évade juste comme il le fallait. Thérapie musicale, état de funkologie. Nourri au soleil californien pour tous les homies. Du monde entier, yeah, yeah, yo. J'ai nos limites, man. Tout comme un perfect, bando yellow. Relax, vide-toi la tête de tout négatif. Fonce les dents, prends le temps de se mettre bien, c'est ça le kiff. Cela coule douce, libérer son esprit. Ferme les yeux en blanc, playa où le sunshine brille. Le rythme t'emporte et la cirette adoucie. Un peu de répit pour oublier tous ces soucis. Notas que realmente valem, eu trago aqui. Deus tá vendo o mundo se corrompendo, erro prevalecendo, povo se debatendo. Eu sigo lendo, vendo e subvertendo, aprendo, escrevendo, desenvolvendo e crendo. Flenderman, esse aqui é meu louvor por las calles, um novo cântico de amor. Independente de credo, país ou cor, tudo que tem fôlego siga louvando ao Senhor. Se você acha que eu me perdi, que fora do tema eu estou. Como hablar de funk therapy, sem falar do Deus que o criou. G-Funk Therapy.